Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Redouane Faïd ou l'itinéraire malheureux d'un bandit mégalo. L'histoire que nous allons vous raconter est celle d'un homme dont François disait en 1997 que si braqueur était un métier, il serait meilleur ouvrier de France. Redouane Faïd, un criminel obsédé par le vol, un voyou autodidacte qui a franchi pas à pas tous les grades du grand banditisme, évasion de prison comprise, jusqu'à en devenir l'une des figures les plus célèbres. C'est aussi l'histoire de la fascination du public pour les gangsters, finalement. Car comme Mérine, Bonnie and Clyde ou Bono et sa bande, il est tentant de voir en Faïd un héritier de Robin des Bois ou d'Arsène Lupin. Armé de revolvers, certes, mais trimballant ses valeurs. Tel serait d'ailleurs le principe de l'éthique du banditisme, selon Faïd. Mais avec lui, il est moins tentant de verser dans l'indulgence, car derrière l'image du braqueur gentleman se cache en fait un voyou égocentrique et violent qui a traumatisé des dizaines de personnes, celles qu'il a prises en otage, et qui a même, indirectement, du sang sur les mains. C'est un peu le Dr. Jekyll et Mr. Hyde du banditisme. Notre invité aujourd'hui, Brendan Kemet, journaliste indépendant, collaborateur du Parisien, de François, de Paris Match, auteur de L'évasion du siècle, La vérité sur Redouane Faïd, une enquête parue chez Plomb l'an dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Romain Weber, coordination Christophe Barrère et réalisation Hélène Bizio. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Le dimanche 1er juillet 2018, à l'aérodrome de Logne, en Seine-et-Marne, le pilote d'hélicoptère, Stéphane Buy, voit les clients qu'il commence à connaître, c'est la troisième fois qu'ils viennent. Parfait, c'est fait pour ça les clients, le principal c'est qu'ils reviennent. Mais enfin ceux-là sont un peu bizarres. Ils disent s'appeler les Le Petit, un homme d'une cinquantaine d'années et son fils. Trois semaines plus tôt, Stéphane Buy les avait emmenés pour un baptême de l'air, puis pour un autre vol une semaine plus tard. Le 1er juillet, les Le Petit décident de s'envoyer en l'air une troisième fois, mais là, ils demandent un hélicoptère différent. Un Alouette 2, modèle 56, 5 places, soit une de plus que l'appareil précédent. Soit. À 10h16, très précisément, l'Alouette décolle, avant que quelques minutes plus tard, les Le Petit demandent à atterrir pour soulager leur vessie. Bien. Le pilote se pose et voit ses clients disparaître derrière les arbres. Mais à leur retour, changement de décor. Ils brandissent des revolvers. Si tu fais pas ce qu'on te dit, on tuera ta famille. Vu la teneur de l'échange, Stéphane Buy ne demande pas son reste, redémarre l'hélico et décolle illico. Il est 11h, quand les agresseurs l'obligent à se poser de nouveau dans un champ. Deux autres individus chargent alors de lourds sacs noirs à l'arrière de l'hélicoptère. L'un des deux prend place et l'appareil redécolle. Les trois preneurs d'otages ordonnent aux pilotes de suivre la Nationale 104 vers le sud. Au loin, entre Évry et Melun, les grands toits rouges de leur objectif se dessinent. À mesure que l'appareil s'approche, la cible se précise. Un patagone de hauts murs blancs ponctué de quatre miradors. On appelle ça une prison. En l'occurrence, le centre pénitentiaire de Réau. L'évasion avait été minutieusement préparée. Tout s'est passé ce matin en une dizaine de minutes seulement. Il est 11h15 lorsque l'hélicoptère se pose dans la cour d'honneur à l'entrée de la prison, juste à droite du bâtiment jaune et blanc que vous voyez derrière moi, la seule zone de ce centre pénitentiaire qui n'est pas équipée en filet de sécurité. Au sud de la cour d'honneur, dans laquelle l'hélicoptère atterrit, se trouve l'entrée principale. Et à l'est, les parloirs où les détenus reçoivent leurs visiteurs. Deux hommes descendent. Le premier porte une Kalachnikov et une lourde scie électrique orange pour mettre en pièce une porte blanche, celle qui mène à la zone des parloirs. En 40 secondes, elle est découpée. L'homme entre dans le bâtiment. Dans la prison, les toquilles des surveillants grésillent. Évasion en cours. C'est la sidération, comme en témoigne ce surveillant. On n'avait aucun moyen de riposte. Seuls les miradors nous sont armés. Là où l'hélicoptère s'est posé, les miradors n'avaient aucun visu. L'hélicoptère s'est posé entre deux bâtiments, donc ils ne pouvaient rien voir. On a des armes ailleurs qui sont dans des armureries, mais le temps d'y aller, de les récupérer. Et de toute façon, pour y accéder, là, c'était, il fallait passer où l'hélicoptère était. Donc on ne pouvait pas se mettre en danger, quoi. L'homme à la scie disqueuse remonte d'un pas déterminé le couloir du parloir. Sur son chemin, deux grilles. Leur serrure ne résiste que quelques secondes à la scie, décidément précieuse. Au fond du couloir se trouve alignée sept autres cabines. C'est la 50 qui intéresse l'intrus. À l'intérieur, deux hommes. Ils sont en pleine conversation quand le détenu demande subitement à son visiteur de se taire. Il tend l'oreille. Derrière la lourde porte, un bourdonnement trouble le silence. À l'extérieur, la scie, encore elle, attaque la serrure. Le détenu se précipite, donne un grand coup d'épaule et voilà la porte qui s'ouvre. Sans un mot, il longe le couloir du parloir en courant et parvient à la cour d'honneur jusqu'à l'hélicoptère. Les détenus et les surveillants derrière la fenêtre des bâtiments attenants le reconnaissent immédiatement. Il s'assied à côté du pilote et alors que l'hélicoptère s'envole sous les vivas des détenus, grand seigneur, il porte la main droite à son front pour saluer la prison qu'il abandonne. Son nom, Redouane Faïd. C'est sa deuxième évasion. Elle a duré 7 minutes et 33 secondes, sans aucun coup de feu. Alors, le fugitif parade, comme dans Hit, le film. Le malheur que j'ai eu, c'est que j'avais un don pour voler. C'est un don. Ah oui, vous savez, moi j'étais avec une bande de copains, on aurait pu prendre d'autres chemins pour ces valeurs-là. Bon, on s'est trompé de chemin. Et comme on volait, on avait une attirance pour les films de gangsters. On a eu un vrai coup de poing dans la figure. C'est le jour où on a vu en fait un film dans les années 80. Pourquoi mon frère, hein, qui voilà. Un jour m'a mis le film The Thief de Michael Mann. Et ils m'ont inventé les mérites. Ça c'est un film, regarde, ça c'est des gangsters, etc. Mais lui... dans un délire cinématographique ou de grand frère, etc. Moi, j'ai regardé ça, je dis, bon, je vais arrêter de regarder Spider-Man et Superman. C'est lui, mon héros, donc il s'appelait Frank. Et c'est un peu James Caan, c'est le grand frère de Robert De Niro dans Hit. Et puis, c'est vraiment une leçon de cambriole. C'est le parfait manuel du parfait cambrioleur. À la sortie du film Hit en 95, avec Robert De Niro et Al Pacino, Redouane Faïd a 23 ans. Et il le voit 7 fois au cinéma, ce film, puis des centaines de fois en DVD. Comme le flic de Beverly Hills, Scarface, Point Break, Bullitt, ou les films de Belmondo et de Gabin. Ce jeune homme, qui vit à Creil, dans l'Oise, est subjugué par les histoires de flics et de voyous. Et il y apprend qu'un grand bandit, ce n'est pas un vulgaire cambrioleur, non. Un véritable gangster, c'est un braqueur. Et un braqueur se doit de respecter une certaine éthique. Puis un jour, on est tombé sur un 357 Magnum dans un cambriolage, donc on l'a gardé. Et puis, à un moment, on a passé le cap, on a décidé vraiment de rentrer dans le milieu du grand banditisme et rentrer dans une banque, faire une attaque à main armée en vrai, etc. Et le truc qui est fou, c'est que c'est vrai que les films de cinéma nous ont énormément inspirés, ne serait-ce que dans les dialogues, parce que tu rentres dans une banque, tu sais pas comment parler, tu dis pas haut les mains ou ci ou ça. Donc quand tu regardes les films, bah t'apprends les textes, hein, il te dit bon ben reste calme, j'en veux pas à ta famille, je suis là juste pour l'argent, etc. Alors nous on apprenait ça, etc. On a mis des gants d'enfant, on a mis des gants de jardin, puis on a mis des bas parce qu'on savait pas comme des abrutis qu'il y avait des cagoules qui se vendaient pour les motos parce qu'on n'était pas des motards. Puis on est rentré dans la banque, on a pris l'argent, on s'est sauvé. Et puis ça a marché. Donc forcément, t'en fais une, t'en fais deux, t'en fais dix, t'en fais vingt, t'en fais trente. Enfin, façon de parler. Hein. Il n'y a pas de trace du braquage dont parle Redouane Faïd. Officiellement, le premier qu'on lui attribue remonte à 1995. Il est 19h45, ce 20 décembre de cette année-là, quand un homme habillé en Père Noël frappe à la porte d'un pavillon de Creil. C'est la maison du directeur de la BNP de la ville. Et ses affinés qui ouvrent, tout de suite intrigué d'ailleurs par ce drôle de personnage. Il lui propose de prendre une photo. Méfiante, elle le remercie poliment. Mais 20 minutes plus tard, c'est armé d'un revolver que le Père Noël revient. Cette fois, c'est la mère qui ouvre la porte. Elle est poussée, arme braquée sur elle, jusqu'au salon où dînent son mari et ses enfants. Le Père Noël abandonne alors son costume pour un masque de Ray Bombard avec quatre complices à ses côtés, Balladur, Rocard, Mitterrand et Manoli, presque un congrès du PS. À 7h, le lendemain matin, le chef de la bande escorte le père de famille jusqu'à la banque. Et là, il force l'employé à ouvrir les coffres. Cette mise en scène, Redouane Faïd la tire de Point Break, film dans lequel des braqueurs dévalisent une banque avec les masques de Nixon, Carter, Johnson et Reagan. Redouane Faïd ne veut pas rester anonyme, surtout pas. Oh non, il veut qu'on le reconnaisse. Il est fier du casse de la BNP. Et qu'importe s'il a traumatisé toute une famille, pour lui, le braquage est un jeu et rien d'autre ne compte que la victoire. De 95 à 97, allons croire. Sa bande, le gang du plateau de Creil, braque une banque tous les 15 jours. Pas de sang versé, certes, mais les hold-up sont accompagnés de violences et de séquestrations. Redouane Faïd franchit les échelons du banditisme à une vitesse fulgurante. Et il a une soif intarissable de reconnaissance, dans le milieu d'ailleurs, comme chez les flics. Alors, il lui faut passer le prochain palier, le plus prestigieux chez les bandits, celui qui exige une intelligence aiguisée, une organisation parfaite, le braquage de ce qu'on appelle dans le milieu les tirelires à roulettes. Autrement dit, les fourgons blindés. Et ça, pour Faïd, c'est le must. C'est quelque chose de magique, le braquage d'un fourgon, c'est le must. C'est comme la cagnotte du loto. Le plus dur, c'est de recruter des gens pour le faire. J'ai connu des mecs qui avaient fait des prises d'otages et qui sont arrivés sur le fourgon tout blanc. Moi, j'ai peur. Ça m'est arrivé de vomir et d'avoir la chiasse à cause de l'angoisse. Tu sais que ça peut dérailler. Une patrouille, et tu peux y passer. D'ailleurs, je laisse ma montre et ma chaîne à un ami, à charge pour lui de les vendre et de partager avec ma femme et ma famille s'il arrivait quelque chose. Villepinte, 3 juillet 1997, 20h. Le camion blindé de la société Ardial n'a plus qu'une centaine de mètres à parcourir pour livrer ses précieux paquets. Il bifurque depuis la départementale vers une route étroite qui porte le nom inquiétant de Chemin du Loup. Le fourgon progresse avec prudence quand une Renault arrivant en sens inverse vient heurter l'avant gauche. Surgit alors une demi-douzaine d'hommes lourdement armés, Uzi, Kalachnikov et même lance-roquettes. Les convoyeurs sont ligotés, le fourgon dévalisé. Signe particulier, les assaillants portent des masques de hockey sur glace. Tiens donc, voilà qui ressemble étrangement à une scène de Hit de Michael Mann. C'est une signature, celle de Redouane Faïd. C'est bien lui qui recrute, organise, équipe et commande le gang du plateau de Creil. L'équipe de braqueurs aurait sévi à Bondoufle, Noisiel et Laigneville en Picardie le 23 mai 1998. Ce jour-là, la violence du gang de Faïd provoque l'inévitable, la mort. Un braquage spectaculaire dans l'Oise. Au volant d'un poids lourd, des malfaiteurs ont éventré un fourgon de la Brinks. Deux convoyeurs ont été blessés, un autre est décédé cet après-midi. Le commando a ensuite pris la fuite à bord d'un véhicule de tourisme. Après l'attaque, deux automobilistes ont également été blessés, leur voiture ayant heurté celle des malfaiteurs. On ne connaît pas le montant du butin. Le plan épervier a été déclenché. Heurté par le camion de 30 tonnes lancé à 80 km/h, le convoyeur de fond s'appelait Louis Forman. Il était père de deux enfants. Faïd n'est condamné que pour une attaque de fourgon blindé, celle de Villepinte. Mais pour la PJ de Lille, le rapprochement avec le braquage de Laigneville est évident. Redouane Faïd se dit braco-dépendant. L'argent l'intéresse, bien sûr, mais il cherche autre chose, l'adrénaline. Son corps en a besoin comme d'une drogue, et ce sont ses propres mots. Comme on a envie de manger, lui a envie de braquer. Mais les membres de sa bande sont arrêtés un par un. Et lui aussi, après plus d'un an de traque, le 30 décembre 1998. Il a 26 ans, jusqu'alors invincible et impuni, le voilà en prison. Quand je suis arrivé à 26 ans en prison, c'est vraiment dur la prison. La prison, ça fait peur. C'est tu vois ça comme l'enfer, hein, c'est un monde infâme. Hein. T'as peur, t'as vraiment peur. Tu te dis où est-ce que je suis, quoi. Et après, tu rentres dans ta cellule, la porte elle se ferme, t'es tout seul, tu vois rien, t'as pas de visite, t'as personne à qui parler, etc. T'as le suicide qui te passe dans la tête parce que t'as pas le courage de faire ta détention. Je connais pas un détenu qui a pas pensé à se suicider au départ, etc. Bon, moi j'ai trouvé les arguments psychiques et psychologiques et physiques pour combattre la prison parce que c'est un vrai combat. J'ai eu le recul en détention de me dire, purée, mais supposons que tu serais arrivé là-dedans à 14 ans, 15 ans, 16 ans, quoi. Là, c'est terrible. Ça aurait été pire. Ah non, là, c'est terrible. Pendant 10 ans, l'administration pénitentiaire fait déménager Redouane Faïd à un rythme infernal. Fresnes, Fleury, Villepinte, Amiens, Bois-d'Arcy, La Santé, Douai, Saint-Maur, Nanterre, Moulins, Meaux, Lille. Alors qu'il est incarcéré, les verdicts tombent. 6 ans, 10 mois, 15 ans, 12 ans, 4 ans, total, plus de 40 au compteur. C'est long, 40 ans en prison. Inenvisageable pour Faïd. Alors, dans le secret de sa cellule, il échafaude des plans. Il tente de corrompre des surveillants, de faire entrer des explosifs. Après 6 ans de détention, 5 projets d'évasion ont été déjoués. Alors à force, il se résigne. Il entame alors un long chemin vers la repentance. Il obtient son diplôme d'accès aux études universitaires, il suit des cours de français, d'histoire et même de journalisme. Il obtient une première permission de sortie, pendant laquelle il décroche une promesse d'embauche. Puis une deuxième sortie, dont il profite pour se marier avec sa petite amie, bref, Redouane Faïd s'orange. Et, bonne nouvelle, grâce à la confusion des peines, son incarcération est réduite à 19 ans. En 2008, il en a 36. Il demande la liberté conditionnelle, et il l'obtient le 30 mars 2009, après 10 ans de prison, le quart de sa vie. Il habite maintenant à la Courbevoie avec sa femme et son beau-fils. Il est attaché commercial dans une agence d'intérim. Après avoir passé 10 longues années en prison, le braco-dépendant mène désormais une existence normale. 2 mois après sa libération, l'ex-braqueur a vendu passage à Paris d'une personnalité qu'il apprécie particulièrement. Le 4 juin 2009, pour la sortie de son film Public Enemies, Michael Mann donnait une conférence à la Cinémathèque. En fan absolu, Redouane Faïd est assis au premier rang et il a une question à lui poser. Un moment surréaliste. Juste une dernière question à titre personnel. En fait, Hit demeure la référence absolue du grand banditisme. Moi, personnellement, je suis un ancien gangster. Malheureusement, je m'en vante pas. Je viens de faire une dizaine d'années de prison. J'ai attaqué des fourgons blindés, des bijouteries, des banques. Récemment, à d'éminents journalistes qui m'ont demandé « Mais tu sais, tu t'es fait tout seul, t'es un autodidacte. » Et je leur ai répondu que non. J'avais un conseiller technique, un prof de fac, et il s'appelle Michael Mann. Alors, et est-ce qu'il a conscience qu'il y ait des gangsters qui puissent s'inspirer de son cinéma? Parce que moi, ça m'est arrivé. Ma femme le déteste. Et donc, quand je lui ai dit que j'allais réaliser un rêve, c'est parce que j'allais rencontrer quelqu'un qui a fait partie de ma vie pendant 20 ans. Il ne le savait pas, et puis c'était pas son intention, mais elle a fait partie de mes 20 ans. Elle m'a dit « C'est qui? C'est Beyoncé ?» Je lui ai dit « Non, c'est pas Beyoncé, ben, c'est Michael Mann. » Michael Mann ne sait pas trop quoi répondre, alors il dit « This guy is crazy. » Ce type est incroyable. Une citation imprimée d'ailleurs en première de couverture de l'autobiographie de Faïd. Oui, Redouane Faïd, le repenti, travaille à ses mémoires. Publié en octobre 2010, c'est un best-seller. Son titre, Braqueur, t'es cité au grand banditisme. Le crâne et la barbe parfaitement rasés en chemise blanche et par-dessus noir, il court ainsi les plateaux télé, LCI, le grand journal, spécial investigation. Beau parleur, séduisant, il prie les jeunes de ne pas suivre son exemple. 30 ans de délinquance, 3 ans de cavale et 10 ans de détention, une vie de merde, déclare-t-il. Et il le martèle, ses démons sont derrière lui. Mais les policiers qui le connaissent doutent fortement de la bonne foi des braqueurs qu'ils ont mis en prison. Et ils voient juste, car en mai 2010, 5 mois avant la sortie de son autobiographie, une tentative de braquage tourne mal. Different colors, different shades. overreach, mistakes were made. I took the blame. Directionless, so plain to see. A loaded gun won't set you free. So you say. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Bonsoir, à la une ce soir à Paris en Ile-de-France, une course-poursuite mortelle dans le Val-de-Marne. Une policière municipale a été tuée d'une balle dans la tête. 5 personnes ont été blessées, dont une grièvement. Les malfaiteurs, toujours en fuite, sont activement recherchés. Oui, on a affaire à de sacrés clients. Voilà, résumé dans la bouche d'un policier, le profil du commando, auteur ce matin de cette course-poursuite sanglante en banlieue parisienne. Sur place, les enquêteurs ont retrouvé des douilles de Kalachnikov et dans le camion incendié, des explosifs, des pains de plastique. Ces gangsters n'ont pas hésité à voler plusieurs voitures et à tirer sur des policiers et des civils afin de couvrir leur fuite. Sur place, en m'approchant, j'ai vu 2 véhicules en feu. Et un peu plus loin, couché dans l'herbe, il y avait une femme policier en sang. Et puis au moins 2 autres personnes qui étaient au sol. Les malfaiteurs étaient là pour les tuer comme des chiens. Heureusement qu'un a pu répliquer et en toucher un. Mais je pense d'abord à ma policière municipale, qui est une jeune de 27 ans, qui vient de rentrer dans la police municipale. Le 20 mai 2010, peu avant 9h30, une voiture de police remonte le boulevard Jean-Baptiste Oudry à Créteil. L'un des brigadiers remarque un détail sur la Renault Trafic qui roule juste devant eux. Sur sa gauche, il y a 2 trous qui ressemblent à des impacts de balles. Le brigadier passager s'approche de la fourgonnette. Arrivé à sa hauteur, il distingue les occupants. À l'avant, 2 hommes. Il demande au conducteur de couper le contact. Aucune réaction, pas un mot, pas un regard. Après un silence pesant, le policier réitère sa demande. Et soudain, le passager de droite se colle à son siège, comme s'il cherchait à éviter un projectile. Le brigadier, lui, bondit en arrière, sort son arme et la pointe vers la fourgonnette qui démarre en trombe. La course-poursuite commence. Il est 9h31. Les fuyards entrent sur l'A86. Puis la porte arrière de la fourgonnette s'ouvre. À plus de 100 km/h, une silhouette sombre lance une bombe de gaz lacrymogène vers la voiture de police. Puis il vide un extincteur qu'il jette sur les roues avant de la voiture de police avant d'ouvrir le feu. Il y a une première fusillade qui éclate. Les malfrats épaulent des fusils d'assaut, pistolets mitrailleurs, et tirent tous azimuts en direction des collègues et en direction, bien entendu, des multiples conducteurs qui sont présents à 9h45 du matin. La voiture de police est criblée de balles. Des tirs pour tuer, oui, à hauteur de visage. Et c'est un miracle que les brigadiers soient en vie. Plus loin, un embouteillage bloque la poursuite. Les malfaiteurs sont arrêtés à 20 mètres des policiers qui continuent à essuyer un feu nourri. La fourgonnette force le passage sur la gauche. La voiture de police, détruite, ne peut pas continuer la course. Les fugitifs prennent la sortie Villiers-sur-Marne. Après la bretelle, ils ont un accident et sont contraints de s'arrêter. Une voiture de la police municipale de Villiers a entendu les appels radio. Elle est la première sur les lieux. À l'intérieur, une jeune policière et un collègue. Malheur, ils ne sont pas de taille pour lutter contre les assaillants. 5 hommes sortent de la fourgonnette, armés de fusils d'assaut. Ils ciblent immédiatement les policiers. La jeune femme a 26 ans, elle est mère d'un bébé de 14 mois. Elle s'appelle Aurélie Fouquet. Elle ne survit pas à la fusillade. Brice Hortefeux, ministre de l'Intérieur, se déplace à Villiers. Les responsables seront inéluctablement, tôt ou tard, identifiés, interpellés, déférés et sanctionnés. Et ils paieront pour leurs actes. Effectivement, les responsables de ce meurtre paient. Les brigadiers de Créteil, sans le savoir, ont empêché le braquage d'un fourgon impliquant 9 complices. Les enquêteurs remontent la piste jusqu'à des dénommés Malakider et Olivier Tracoula. Or, le dénominateur commun de ces 2 hommes, c'est Redouane Faïd. Il est en prison avec eux. Olivier Tracoula figure même sur les statuts d'une entreprise de BTP domiciliée chez Leïla Faïd, la sœur de Redouane. Et dans la famille Faïd, voici le frère, enfin l'un des frères, Faisal, confondu lui aussi. Il faisait partie du commando qui a tué Aurélie Fouquet, la policière. Alors que l'enquête se dirige tout droit vers Redouane, lui est en pleine promotion de son autobiographie. En novembre 2010, voici ce qu'il déclare sur France Inter. Mes démons, mes vieux démons en tout cas, ne sont pas endormis mais morts, hein, définitivement. Ça c'est clair et net. Qu'est-ce qui met un frein à ça? Vous savez, j'ai pensé à prendre ma retraite, etc. Le problème c'est que quand je partais en vacances, je m'emmerdais, j'avais envie de revenir. Donc c'est là que tu vois que tu n'es plus rationnel. Tu discernes rien parce que tu es pris par la chose de la vie, parce que tu as des voitures à voler, tu as des armes à nettoyer, tu as des talkie-walkie à régler. Si en plus tu as une vie privée, c'est même pas la peine. Donc tu n'as pas le temps de te poser. En prison, quand tu te poses, tu es comme un moine dans un monastère. Tu étais à 250 km/h quand tu étais à l'extérieur, et là tu vides tes batteries. Et tu t'es débarrassé un petit peu de ça. De cette vie de fou, de vivre avec la mort, d'être en cavale, d'avoir peur de la police, de t'imposer des règles de malade mental à rentrer chez toi à 16h et plus bouger jusqu'au lendemain matin pour éviter des contrôles le soir. Donc quand tu arrives en détention, tu te débarrasses de tout ça. Les enquêteurs sont atterrés par la surface médiatique de celui qui reste leur suspect numéro un. Oui, ils sont persuadés qu'il est le cerveau de l'opération Créteil. D'ailleurs, il ne peut pas prouver qu'il travaillait ce matin-là. Et encore plus troublant, son patron identifie un homme qui lui rend des visites, un certain Olivier Tracoula. Mais Redouane Faïd a disparu. Il sait qu'il sera directement incarcéré. Après 5 mois de cavale, en juin 2011, il est arrêté. Sur lui, 2000 euros en billets, dont le numéro de série indique qu'il devait être transféré à la Banque de France, à Arras. Devait, parce que le convoi qui les transportait était braqué. Les démons de Faïd sont-ils vraiment morts? Pour la justice, son numéro de repenti n'est qu'un bluff. Il est donc condamné à 25 ans en appel pour l'affaire Le Villiers et à 18 ans pour celle d'Arras. Sa repentance aura été courte. 2 ans après être sorti de prison, le voilà déjà de retour. Le 13 avril 2013, donc 2 ans plus tard, le comportement suspect du détenu Redouane Faïd convainc l'administration de Fresnes de le transférer à la maison d'arrêt de l'île 7K quelques mois plus tôt. Ce matin-là, le surveillant du bâtiment B ouvre la cellule 345 de Redouane Faïd. Rien de particulier à signaler, il est calme et courtois comme à son habitude et il a rendez-vous au parloir avec un de ses frères. À 8h11, c'est avec un sac de linge sale qu'il sort de sa cellule. Aussi bizarre que cela puisse paraître, ce sac, qui ne contient pas que du linge sale, et évidemment n'est pas fouillé par les surveillants. Faïd est placé dans une salle d'attente avec une vingtaine d'autres détenus. Il est presque 8h30 quand la surveillante pénitentiaire ouvre la porte. Faïd a prévenu ses co-détenus, attention, il va y avoir un accident. La porte d'accès public de la prison de Sequedin. Béante après l'évasion. De nombreuses personnes attendaient ici vers 8h30 ce matin de rendre visite à un proche détenu. C'était jour de parloir. Vers 9h moins quart, on a entendu des coups de feu. On a entendu 3 explosions. Il y en a eu une. Quelques instants après, il y en a eu une deuxième. Et à la troisième, on a vu exploser la porte d'entrée. Et les surveillants de la prison nous ont fait évacuer en nous disant de partir de la salle, et dans la rue, et nous évacuer au plus loin pour ne pas être pris, nous non plus, à partir en otage. Redouane Faïd, braqueur de fourgon fiché au grand banditisme et considéré comme très dangereux, vient de s'évader arme au poing. Il venait justement de recevoir de la visite au parloir. Faïd a sorti de son sac un P38. Il met en joue la surveillante et 3 de ses collègues. Il les pousse dans le couloir, traverse le parloir et ordonne à ses otages de lui ouvrir les portes jusqu'à la salle où attend des familles. Là, il sort de son sac ce qui ressemble à de la pâte à modeler entourée de gros scotch gris. Il y plante une mèche, c'est du PEP-500, un explosif. Il ordonne à ses otages de se mettre à l'abri et de se boucher les oreilles. Et dans un vacarme assourdissant, la porte saute. Le voilà arrivé dans la cour. « Ne risquez pas votre vie pour un salaire de merde », hurle-t-il aux surveillants. Il les dispose tous, les 4 autour de lui, il s'en sert comme bouclier humain pour se protéger des gardiens armés dans les miradors. Et il lui reste de nombreuses portes à ouvrir. Ça tombe bien, il a encore du PEP 500. Pour s'évader en 24 minutes, il utilise 7 pains d'explosifs. À l'extérieur, au début d'une bretelle d'autoroute, un complice l'attend au volant d'une Peugeot. Il abandonne 3 de ses otages et en garde un auprès de lui avant de libérer une dizaine de kilomètres plus loin. Son évasion porte sa signature. Application, détermination, préparation du grand faillite. Il était l'as du braquage. Le voilà devenu le roi de la belle. Celui qui s'évade de prison a un sentiment d'invincibilité. Il a un ego surdimensionné. Il avait la lèpre, il est guéri. Il est immortel, il a réussi. Limite, il peut mourir. Du coup, il se met en danger. Il fonctionne au ralenti alors qu'il faudrait aller vite. Il commet des erreurs. Tous ceux qui se sont évadés sont revenus en prison, sauf à partir à l'étranger avec du fric. Ces mots prononcés 4 ans avant son évasion se révèlent tout à fait justes. Interpol émet une notice rouge à ses 190 pays membres. Manuel Valls, ministre de l'Intérieur en déplacement le 20 mai pour une cérémonie en l'honneur d'Aurélie Fouquet, annonce des recherches mondiales. Mais il faut attendre le 23 mai 2013, un mois et 10 jours après l'évasion, pour que la traque progresse. La Brigade nationale de recherche des fugitifs a reçu une information de premier choix. Un indique annonce que Redouane Faïd veut gagner Israël avec un faux passeport. Et c'est précisément cet indique qui est sollicité pour lui fournir. La cavale n'est pas mondiale du tout. Redouane Faïd se terre en région parisienne. C'est à Pont-Combo, en Seine-et-Marne, que l'indique a rendez-vous avec Faïd le 28 mai. Le fugitif est bien là, déguisé. Il porte une perruque, des lunettes et s'est fait pousser la barbe. L'indique entre dans sa voiture, fait affaire et glisse discrètement un téléphone sous le siège passager. Mission accomplie, les enquêteurs peuvent maintenant suivre ses déplacements. Avec son complice, il loge à l'hôtel Campanile de Pont-Combo. Le 28 mai au soir, ils ont réservé la chambre 38. À 2h40 du matin, ils sont interpellés par une colonne de la BRI. On oppose moins de résistance quand on est en pyjama. Et voilà Redouane Faïd, 41 ans, de retour en prison pour la troisième fois après un mois et demi de cavale. Ses 4 procès entre 2016 et 2018 lui valent un total étouffant de 53 ans d'incarcération. « Si c'était à refaire, je ne le referais pas », dit-il au juge d'instruction concernant son évasion. Mais n'allons pas croire qu'il entend passer le reste de sa vie entre quatre murs. Alors, en toute logique, le 1er juillet 2018, 5 ans après son arrestation, il recommence. Bonsoir à tous, bienvenue dans l'édition du Soir 3. Redouane Faïd est de nouveau en cavale, 5 ans après une spectaculaire évasion. Le braqueur a récidivé ce dimanche, s'évadant par hélicoptère de la prison d'Oréo en Seine-et-Marne. 3000 hommes sont à ses trousses. Autre titre de l'actualité ce soir avec cette nouvelle évasion du braqueur Redouane Faïd. Plusieurs hommes lourdement armés sont entrés en action ce matin à l'intérieur de la prison de Oréo en Seine-et-Marne. Quelques minutes plus tard, c'est en hélicoptère qu'il quittait les lieux. France Inter. On n'aurait pas trouvé ça très crédible au cinéma et pourtant c'est arrivé ce matin à la prison de Réau en Seine-et-Marne, l'évasion spectaculaire du braqueur récidiviste Redouane Faïd. Il avait été condamné en avril dernier en appel à 25 ans de réclusion pour le braquage d'un fourgon blindé, un braquage qui avait mal tourné et provoqué la mort à Villiers-sur-Marne d'une jeune policière municipale, Aurélie Fouquet. Redouane Faïd, qui s'était évadé de la prison de Lille-Séquedin en 2013 en prenant des gardiens en otage et qui s'est donc envolé cette fois par hélicoptère, une opération particulièrement bien préparée. Et la traque de nouveau s'organise. Les moyens sont ahurissants. 2900 policiers et gendarmes sont réquisitionnés pour débusquer l'homme le plus recherché de France. Frédéric Douaddy, directeur de l'Office central de lutte contre le crime organisé, explique les coulisses de cette traque hors norme. L'idée, c'est de tisser une toile d'araignée, d'arriver sur les proches. Alors, en gros, on a 3 cercles qui peuvent nous intéresser. On a le cercle familial, le cercle amical et le cercle des bandits, entre guillemets, qui pourraient l'aider. Donc, en fait, on a tiré beaucoup de fils dans l'entourage proche, dans l'entourage un peu éloigné. Et après, il suffit d'avoir le bon fil au bon moment. Et le 17 septembre, la traque avance, plus de 2 mois et demi après l'évasion. Parmi les téléphones surveillés, il y a celui d'une jeune femme, Alima, 28 ans. Il se trouve qu'elle reçoit des instructions pour chercher de l'argent. Les enquêteurs s'en doutent. Faïd est à court de liquidité et tente de monter une attaque de fourgon pour se renflouer. Une planque se met en place devant chez la jeune femme, rue Jean-Baptiste Carpeau à Creil. Et si Redouane de Creil était de retour dans son fief? Le 28 septembre, à 23h25, les enquêteurs cachés sont témoins d'une scène qui les intrigue. Halima est suivie par un individu vêtu d'une djellaba et d'un hijab. On ne peut donc voir que ses yeux. Mais sa taille et sa démarche font penser que ce n'est pas une femme. Le flic va trouver ça suspect. Il va se dire qu'il faut qu'on s'intéresse à cette personne. Voilà, en gros, parce que manifestement c'est un homme qui est grimé. Et quel est l'intérêt pour un homme d'être grimé si c'est pas quelqu'un qui veut soustraire à la police ou à la justice? Et quand on est dans le cadre d'une enquête qui porte sur l'évasion de Redouane Faïd et sur l'arrestation, bien évidemment, le premier réflexe, c'est de se dire, ben voilà, c'est lui qu'on attend, celui qu'on cherche, il est là. Après quelques jours de filature, les policiers en sont certains. Sous ce déguisement se cache celui qu'ils appellent l'écrivain. Dans la nuit du 2 au 3 octobre, à 4h05, une colonne pénètre dans l'immeuble. Au rez-de-chaussée, devant la porte d'entrée, se trouve l'appartement qu'ils ont repéré. En quelques secondes, sans un bruit, ils forcent la serrure. Ils progressent en silence dans le noir, car ils veulent surprendre dans son sommeil celui qu'ils traquent depuis 3 mois. Dans la pièce attenante, là, sur un lit, un homme dort. Il a 84 ans. Ce n'est pas Redouane Faïd. La brigade s'est trompée d'appartement. 10 minutes plus tard, une deuxième colonne pénètre dans un autre logement, au quatrième étage, celui-là. C'est un 2 pièces. Dans la première dorment un homme et une femme. Dans la seconde, 2 hommes. Victoire, Redouane Faïd est là. Il n'a pas le temps, ou peut-être pas l'envie, de saisir le colt python posé à côté de lui. Voilà, l'aventure aura duré 95 jours. Elle avait commencé comme un blockbuster, elle se termine de façon pathétique. Ainsi file l'histoire d'un bandit flamboyant réduit à se cacher sous un hijab. Menotté dans le dos, Redouane Faïd apparaît amaigri, fatigué. On lit son désespoir et sa détresse, tous ses efforts pour rien. Enfin, jusqu'au prochain épisode, peut-être. Sur France Inter, aujourd'hui l'histoire de Redouane Faïd, dont nous allons parler avec notre invité Brendan Kemet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendant, vous travaillez pour Le Parisien, France Soir, Paris Match, et vous êtes particulièrement intéressé par le sujet du grand banditisme, et vous êtes surtout l'auteur de L'évasion du siècle, la vérité sur Redouane Faïd, une enquête parue chez Plon l'an dernier. Quand on s'intéresse au grand banditisme français, Redouane Faïd est-il un passage obligé, un morceau de choix, un must ? Absolument, parce que c'est le représentant de la nouvelle génération, hein, celle des cités, celle de des nouveaux caïds, pas le banditisme traditionnel. Mm-hmm. Et lui, c'est un personnage extrêmement original parce que il s'est, comme vous l'avez dit, forgé lui-même. Hein. Ouais. Il a navigué, il a grandi avec la souci aussi d'écrire sa propre histoire. Et ça, c'est aussi très original. Parce que dans le milieu, finalement, les gens n'ont pas tellement envie qu'on parle d'eux, en tout cas médiatiquement, et qu'on leur attribue tel ou tel braquage. Lui, c'est tout le contraire. Il avait, dès le début, envie qu'on parle de lui, qu'on le reconnaisse, qu'on dise que c'était un grand bandit, un grand truand, un type performant. Voilà. Alors, je lis votre titre, hein, je le répète, L'évasion du siècle, d'accord ? La vérité sur Redouane Faïd, quelle serait cette vérité qu'on ne connaît pas ? Alors, la vérité, c'est en fait Le problème de Redouane Faïd, c'est qu'il est son plus grand biographe. Il a d'ailleurs déjà écrit sa biographie avant ses 40 ans, où il a voulu poser son personnage. Mais ce n'est pas tout à fait le personnage, à mon sens, qu'il est. Il a éclipsé, il a pas tout raconté. Il s'est construit un personnage de Robin des Bois qu'il n'est pas nécessairement. Voilà. Notamment cette affaire dont vous avez parlé, Aurélie Fouquet, qui est une affaire extrêmement... C'est grave, ça c'est grave. Qui est terrible, en fait, parce que c'est une jeune femme qui perd la vie à un endroit où elle aurait pas dû se trouver, parce qu'il y avait une course-poursuite qui avait commencé une demi-heure plus tôt, dans des circonstances très confuses. Redouane Faïd, je le précise, n'est pas condamné pour l'assassinat ou le meurtre. Il est périphérique à cette histoire, c'est-à-dire qu'il est probablement pas il est pas sur la scène de crime. Il n'est sans doute pas très loin, puisque la veille, il est en jogging dans une station-service sur l'autoroute du Nord, avec les véhicules qui vont être utilisés le lendemain dans cet épisode tragique. Donc lui, effectivement, c'est le dénominateur commun de tous les personnages de cette histoire, mais il ne supporte pas, je pense, réellement, d'avoir été condamné dans cette affaire, parce qu'il considère que c'est pas de son niveau, c'est une affaire de merde, hein, entre guillemets, c'est une course-poursuite qui termine mal, et lui, le grand truand, évidemment, ça ne colle pas à son image, et il y a cette fin tragique. Le problème, c'est que les gens qui sont dans cette affaire, ce sont petit frère qui a été condamné en Algérie, bon, même si il nie y avoir participé. Ces personnages n'auraient sans doute pas seraient pas réunis sans Redouane Faïd. Oui. Donc alors, on résume quand même un certain charisme, un type qui sait parler, pas idiot, c'est le moins qu'on puisse dire. En même temps, il veut nous faire révéler qu'une éthique dans le banditisme, au seul fait peut-être qu'il n'y a pas de sang versé. Mais enfin bon. Mais l'éthique dans le banditisme, c'est une blague qui a toujours existé, puisque c'est un milieu où on se fait tuer par son meilleur ami, généralement, qui vous met en confiance et qui vous tue. Donc non, l'éthique dans le grand banditisme, c'est quand même un roman. Voilà. Après, c'est un personnage très particulier, parce que il sait s'adapter à toutes les situations. Il est très intelligent. Il arrive. Qui aurait dit qu'il pourrait se réévader une nouvelle fois après la première évasion à Lille? Voilà. Il arrive à tout. C'est un personnage incroyable pour ça. Alors, il vole comme il respire, hein, il le dit d'ailleurs. Il a commencé tôt, les vols? Alors, lui dit qu'il a commencé très tôt, mais c'est pas documenté, parce qu'il ne se fait pas arrêter. Il se fait arrêter finalement assez tardivement, hein, vers 25 ans. Il y a un certain nombre de vols, effectivement, des prises d'otages, de commerçants, il y en a une pour laquelle il a été acquitté, mais de directeur de banque. Donc, voilà, mais il est pas précoce judiciairement, en tout cas. Il passe sous les radars pendant un certain temps. Pourquoi? Parce qu'il habite aussi dans une ville moyenne qui est Creil. Il est pas au centre de toutes les attentions des grands services spécialisés de police. Alors, il se fende de certaines analyses sociologiques, surtout quand elles se rapportent à lui-même. Et précisément, c'est à Creil qu'il a été interpellé une première fois, mais c'est à Creil qu'il a vécu, qu'il a grandi dans les années 70-80. Et écoutez ce qu'il dit, justement, à la fois de sa jeunesse et surtout de l'endroit où il habitait pendant sa jeunesse. Vous savez, moi je doute pas que les gens qui nous écoutent aujourd'hui à la radio, ou vous-même, on a tous des enfants, on leur donne une bonne éducation. Donc je demanderai à tout le monde de se rendre dans un quartier comme à La Courneuve ou comme à Aulnay-sous-Bois, et puis je conseille à tout le monde de prendre le rez-de-chaussée et de donner la même éducation à vos enfants, la même éducation, et de même les accompagner à l'école à 8h30 et d'aller les récupérer à 16h30. Vous avez une chance sur deux pour qu'ils finissent délinquants. Pourquoi ? Parce que c'est un environnement qui est assez délinquentiel et que les gens sont un petit peu livrés à eux-mêmes. Et c'est facile de dire après, vous savez, il faut leur retirer les allocations familiales, c'est les parents, etc., etc. Mais vous savez, les gens, les parents, ils n'ont pas demandé à être parqués là-bas. Hein. Ils n'ont pas demandé à habiter là-bas. Ils font face à une adversité qui leur pète dans la figure. Donc je pense que les gosses, si tu les appelles racailles, c'est pas comme ça que tu vas y arriver. Je considère qu'il faut une réelle volonté politique pour changer tout ça, vraiment. Et quand le gosse commence à déconner à l'âge de 10 ans, là, tu t'occupes de lui. N'attends pas qu'il ait 20 ans. Bon, à l'écoute de cette interview, on a l'impression que finalement, c'est la faute de la banlieue, quoi. En l'occurrence, c'est sa faute à lui, parce que c'est un tempérament, je pense, très borderline. Il aurait pu être incarcéré, passer son temps en détention, ressortir, chercher une réinsertion. Ça n'a jamais été réellement le cas, puisque dans ses premières affaires, quand il a 25 ans, 26 ans, son premier souci, c'est de s'évader. D'autres purgent leur peine. Lui, il n'a jamais eu cette volonté-là. C'est juste quand, au bout de 4-5 tentatives d'évasion importantes, hein, parce qu'il se retrouve à la santé, avec des prisonniers corses, il y a des explosifs, il y a toutes sortes de choses, ça échoue, et c'est seulement à ce moment-là qu'il va travailler vraiment à sa réinsertion. Donc il lui faut plusieurs années. Donc je pense que c'est son tempérament vraiment qui l'a guidé et qui l'a mené là où il est aujourd'hui. Mmh. Alors, on précise que quand il donne cette interview, dont on a entendu un extrait, on va en écouter quelques autres, il sort de prison, il se présente comme un repenti. Est-ce qu'il y a eu de la sincérité dans cette volonté à un moment de raccrocher les voitures, de se remettre sur le droit chemin, ou est-ce que, comme le pense et le dit la justice et le disent les policiers, c'était d'un poudre aux yeux, quoi. Il n'a pas été sincère dans cette démarche-là. On peut penser qu'il a été sincère à un moment, qu'il a construit ce personnage d'ex-voyou, mais ce qui est fâcheux, c'est que la sortie de sa biographie intervient 5 mois après l'affaire de Villiers-sur-Marne, dans laquelle il a été impliqué, et elle s'est faite en parallèle, en fait, avec cette réinsertion. Il y a eu un documentaire qui a été tourné sur lui. Tous les protagonistes ont été condamnés dans l'affaire de Villiers-sur-Marne. Donc, tout se construit en parallèle. Je pense surtout qu'à un moment, il a travaillé sincèrement, il est sorti, il avait une vie, il refaisait sa vie. Mais je l'ai écrit d'ailleurs, c'est que il gagnait 1 300 € par mois. Et pour quelqu'un qui a flambé, qui a eu de l'argent facile, c'est compliqué. Et c'est pas son tempérament d'être derrière dans un bureau, faire des dossiers, à écrire. Lui, c'est un homme de terrain, c'est un homme d'action. Bon. On va l'écouter une seconde fois, alors c'est toujours sur cette fameuse éthique. Enfin, lui, il en parle comme ça. Un braqueur, c'est un voleur. Tout simplement, c'est quelqu'un qui vit en marge de la société, qui s'invente, entre guillemets, des codes, savoir qu'il ne va pas essayer d'aller vers la drogue, qu'il ne va pas essayer d'aller vers le proxénétisme, qu'il ne va pas essayer d'agresser les vieilles et les enfants, etc., et qui va s'attaquer au vol. C'est un code d'honneur un peu, en fin de compte. C'est un code d'honneur. De toute façon, tu le vois bien quand t'es en prison. Quand tu tombes en prison, les braqueurs sont pas comme des fantômes, mais c'est des gens extrêmement respectés. Par les prisonniers, mais aussi par l'administration pénitentiaire. Il y a une aura, il y a une légende que la pénitentiaire, que les policiers, que les magistrats vont véhiculer. Après, libre à toi ensuite d'entretenir ta légende ou pas. Moi, personnellement, j'entretiens rien du tout. Ah, il y a un livre quand même. Ouais, voilà, je me suis fait avoir, c'est pas pareil. Voilà, Redouan Faïd qui répondait à Philippe Collin de France Inter. Est-ce que c'est ce besoin de mise en scène finalement qui l'a perdu? Vous pensez ça? Ce besoin de tout dire, voilà, de montrer ses muscles, ses gros bras. C'est-à-dire qu'il a voulu vraiment briller, comme on dit dans ce milieu-là. Il a voulu être reconnu pour ce qu'il faisait et pour ce qu'il avait fait. Il a aussi, il faut bien le dire, beaucoup énervé les policiers qu'il avait arrêtés, parce qu'il le voyait intervenir à la télévision, à la radio, et en même temps il y avait une enquête énorme sur cette procédure criminelle. Donc c'était une sorte de provocation, en fait. Pourquoi ils ont même pensé d'ailleurs que il se forgeait un alibi, en fait, dans cette réinsertion extrêmement médiatique. Et alors, il y a eu des expertises psychiatriques, évidemment, au cours des différents procès. Que disent-elles? Ça, c'est intéressant, pour le coup. Elles sont assez contradictoires, mais c'est quand même c'est quelqu'un qui a une forte image de lui-même. C'est quelqu'un de très intelligent. C'est quelqu'un qui sait s'adapter à toutes les situations, qui a joué souvent avec les psychologues et les psychiatres, finalement en donnant l'image qu'ils attendaient. C'est quelqu'un qui sait s'adapter à tout, en fait. Il a une intelligence situationnelle énorme. Alors, concernant l'évasion du siècle pour les uns, pas forcément pour les autres, mais il y en a qui pensent que c'est vraiment tellement spectaculaire qu'elle est à marquer d'une pierre blanche. Est-ce qu'il aurait bénéficié de complicité? Parce que ça a été dit quand même. Parce que pour réussir un truc comme ça... Oh, c'est évident qu'il a eu des complicités. Maintenant, ce sera extrêmement dur de les déterminer dans le milieu pénitentiaire, de savoir qui a fait quoi. Mais c'est évident que il connaissait parfaitement les lieux, ses complices aussi. Tout le monde était, c'était vraiment réglé comme du papier à musique. Donc, il y a eu quelque chose. Il y a un téléphone qui a été retrouvé dans des salles de sport qui fréquentait. On peut pas nécessairement lui attribuer, mais une évasion comme ça, elle ne se fait pas. Avec quelqu'un qui veut sortir et quelqu'un qui vient le chercher, il faut que ce soit coordonné, il faut des informations, il faut tout savoir, il faut tout maîtriser, et c'est ce qu'il a réussi à faire. Ça veut dire qu'il faut effectivement des soutiens à l'extérieur, que ses complices finalement l'ont pas abandonné. Oh bah non, évidemment que non, et ils sont suspectés un certain nombre de membres de sa famille qui sont d'ailleurs en détention à cause de ça. Mais ils ont communiqué nécessairement ensemble. Mais ça ne peut pas être facilement déterminé. On va écouter ce qu'en pense Nicolas Billon, secrétaire national adjoint du syndicat pénitentiaire des surveillants, qui s'exprime quelques jours après l'arrestation de Redouane Faïd en 2018. Ça va être un détenu difficile à gérer parce que par rapport aux deux autres détenus, il va passer pour le caïd. Donc il va falloir faire très attention aussi à son comportement en détention, ses fréquentations. Mais après, il y aura une certaine appréhension des collègues. C'est toujours délicat de gérer des détenus comme ce détenu-là. Bien sûr, il aura de l'influence, il peut avoir de l'aide, des complices, une fois qu'il se sera installé, entre guillemets, dans l'établissement. On a actuellement des soucis de sécurité, notamment avec la présence des téléphones portables qu'on retrouve dans quasi toutes les cellules des prison en France, quoi. On est sur une moyenne de 40 000 téléphones saisis par an. Après, il est possible que ce détenu soit régulièrement transféré dans d'autres établissements pour casser un peu sa routine. Oui, d'ailleurs, il avait été, lors de sa première ou deuxième incarcération, transféré dans un nombre incroyable de prisons. Peut-être ce qu'on fait avec les prisonniers considérés comme hautement difficiles à surveiller. Où il en est aujourd'hui? Alors aujourd'hui, il est détenu dans le nord de la France, à Vendin-le-Vieil, dans une prison moderne mais sécuritaire. Il fait l'objet d'ailleurs d'un bras de fer entre son juge d'instruction et l'administration pénitentiaire, puisque le juge d'instruction a demandé la levée des plexiglas et des mesures ultra sécuritaires au parloir avec sa famille. L'administration pénitentiaire tarde à s'exécuter, et on le comprend, puisqu'elle n'a pas envie de subir une nouvelle évasion et d'être ridiculisée par un détenu dont on sait qu'il ne pense qu'à ça. Vous l'avez rencontré une fois? Oui. Explique-moi dites-moi quel souvenir vous en gardez de cette rencontre et de sa personnalité. Un personnage vraiment intelligent et qui manie à la fois la séduction et la menace, en fait. C'est-à-dire que il me disait je vais te faire rencontrer tel ou tel voyou connu, etc. Puis en même temps, c'était je te connais bien, t'as écrit des choses sur moi qui étaient pas vraies, etc. Et qui, voilà, il y a une forme de séduction et de menace tout le temps, je trouve, avec lui. Mesrine faisait ça aussi. Ils ont beaucoup de points communs. Justement, c'est pour ça que je vous en parle. Ouais. D'ailleurs, pour preuve, c'est que lors de sa dernière évasion, il y a eu un projet d'interview de Redouane Faïd qui a été proposé par une chaîne de télévision. Ils se sont approchés de lui. Ça a failli se faire. Je veux dire. Donc, il écrit. Voilà, il continue d'écrire sa légende, même en cavale. C'est un mégalo, quoi, aussi. Quand même, ce qui ressort de cette personnalité. Un peu. Quand même. Hein. Bon. Redouane Faïd. Il vaut le détour, en tout cas, ce personnage, pour raconter son histoire. Merci infiniment pour tous les éclairages que vous nous avez apportés autour de cette vie si particulière, que c'est le Redouane Faïd. Merci, au revoir. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui. Redouane Faïd, donc, une émission que vous pouvez réécouter en podcast. Rendez-vous sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Et si le cœur vous en dit, vos commentaires. À la technique aujourd'hui, il y avait Clément Berman.